Alchimiste mais un chimique, je ressemble des larmes en mots. Ils se prennent la tête quand les femmes prennent leurs pieds sans allant d'eau. T'as les corbeaux qui te font chanter, pas de jury, The Voice. Moi je suis pas Quasimodo, mais je te dis que je bosse. Le monde est gore et comme du porc, moi je suis pas dans mon assiette. Au fond du trou et les du trou, cherche un chair fraîche dans le monastère. Vrai, je suis sûr de l'être, c'est sur le net et là je partage. Ils nous remplacent par des guignols et sucre par l'aspartame. Ça parle de menu vu qu'ils veulent que je me mette à table. C'est de la vraie zigrade agressive si je te mets ta claque. Fils d'ouvrier, gars, n'oubliez pas car on a la dalle. Les gens ont le démo pour une trume, on se démonte à la taille. L'adage dit qu'on va se manger des murs comme une balle de squash. Je parle de rimes assez précises quand ces imbéciles parlent de swag. Gagne pas un radis pour faire ça, donc sincère est ma démarche. Il ne veut pas que tu le cernes mais que tu le serves quand il va mater le match. C'est le jeu du chat et de la souris, faut pas en faire tout un fromage. On parle de toi mais pas deux fois comme Hernandez et Afroman. Je les vois boire les paroles des mythos comme un open bar. Parasite mais mes amis attendent ici que le pen part. Quelques tracks comme carte de visite, y'a pas de fils, t'as pris. Je parle pas de ce que la street a pris, et ils me disent qu'est-ce qu'il t'a pris. L'état de type monde comme il respire, je crois qu'il soit asthmatique alors. J'ai trop de boutons, j'ai pas de console, je deviens allergique à l'homme. Pas de dialogue, il multiplie les pêches, t'assure que c'est pas Jésus. La vie est un château de cartes, c'est au carreau tout basé dessus. J'ai pas de vécu, j'ai pas net, mais j'ai du pain sur la planche. Ça part pas d'un bon sentiment quand c'est crétin. La France, j'ai l'oreille à la Spock, à cette époque, j'ai pas la vie Star Trek. Si je t'ai mis l'eau à la bouche, écoute ta piste après.